chorégraphe précis, maître de la danse et des lourdes révérences de la fronde, les techniciens ont réglé chaque figure d'un ballet mécanique qui ne laisse rien au hasard.